بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتاوى على الطريق la page 581 la fatwa 1283 ما الإحداد وأحكامه. أي c'est quoi الإحداد et c'est quoi ses أحكام أي ses jugements. قال الجواب الإحداد هو اجتناب المرأة الزينة وكلما يدعو إلى نكاحها وهو واجب على من توفي عنها زوجها سواء أكان توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول. Donc l'ihdad, c'est quand la femme elle perd son mari. Son mari il meurt, il décède, et la femme elle est en deuil. Et qu'est-ce qu'elle doit faire dans ce cas? C'est ça l'ihdad. Cheikh Ibn Uthaymeen il a bien précisé Huna que cette femme elle a eu des rapports avec son mari. Oh, elle n'a pas eu de rapport. Et ça peut arriver qu'une femme, elle vient de se marier avec un homme, avec un contrat légiféré, sahih. Et, qadar Allah, elle a cet homme, il meurt. Et il n'a pas encore eu de rapport avec sa femme. Religieusement, c'est sa femme. Les maladali, les naoum, ils se sont mariés avec un contrat de mariage. Donc, dans ce cas, cette femme, elle est concernée. قال لقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الشاهد من الآية قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن Donc, la femme qui perd son mari, elle doit faire certaines choses pendant 4 mois et 10 jours. Elle ne doit pas sortir, etc. Les points que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a cités dans cette fatwa. قال أولا, أو قبل ذلك, قال والأشياء التي تتجنبها المحدة هي. المحدة, c'est la femme qui est en deuil, qui a perdu son mari. Donc, elle doit faire plusieurs choses pendant ces 4 mois et 10 jours. أولاً, قال, la première chose, لباس الزينة على أي وجه كان. Donc, ces choses, elle doit les délaisser. Parmi ces choses, la première, elle doit délaisser tout vêtement pour s'embellir. قال, وهو اللباس الذي تعتبر المرأة إذا لبسته متجملة. C'est quoi ce vêtement? Comment le reconnaître? C'est un vêtement que la femme, elle porte pour s'embellir. Dans ce cas, si elle a perdu son mari, elle ne porte pas ce genre de vêtements. قال وأما اللباس المعتاد فليس بحرام بأي لون كان. أما un vêtement normal, elle ne le met pas spécialement pour s'embellir. Enfin, elle a le droit de le porter. انتبهوا هنا, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a précisé que la permission, que ça soit n'importe quelle couleur. Ça nous montre un apporté du noir à la maison ou badness, c'est du blanc. Quand elle perd son mari, elle doit porter que du blanc, ça dépend des pays. Il n'y a pas de délire. Elle évite les vêtements pour s'embellir. Maintenant, c'est connu, certaines femmes, elles portent des robes ou d'autres choses, bien sûr, à la maison pour leur mari, pour s'embellir. Dans ce cas, si elle perd son mari, elle ne porte plus ce genre de vêtements pour s'embellir. Et maintenant, ils exagèrent via le bébé. Il pense que tel vêtement, elle ne peut pas, tel vêtement, là, les vêtements normaux, elle peut, si ce n'est pas pour s'embellir. Que ça soit blanc, noir, rouge, tant qu'elle est chez elle, elle peut. ثانياً, اجتناب الطيب بجميع أنواعه إلا إذا طهرت المرأة من الحيض فلا بأس أن تتبخر تبخر داخلها لتزول الرائحة الكريهة. Deuxième point, elle ne doit pas se parfumer. Elle ne doit pas se parfumer. On ne parle pas de se parfumer dehors. Amma se parfumer dehors, c'est interdit pour une femme. Qu'elle soit mariée, qu'elle soit célibataire, que son mari est vivant ou mort, elle ne sort pas avec du parfum. Et oui, il y a plusieurs hadiths dans ce point qu'on ne citera pas ici pour rester assez bref. Et là, dans un cas, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, Annaha, si elle a eu son cycle de menstrues et son cycle s'est arrêté, Fayajouz, là, elle se nettoie et elle met du parfum pour enlever certaines odeurs. هذا معلوم عند النساء خاصة dans certains endroits pour enlever les mauvaises odeurs. هذا واضح. Donc dans ce cas c'est permis. Troisième chose qu'elle doit délaisser, اجتناب المحسنات من الكحل والمكياج ونحو ذلك. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, troisième chose, elle doit laisser le parfum, donc c'est le deuxième point. Le troisième point, elle doit délaisser al-kuhl. Et tout ce qui est les soins pour s'embellir, que ce soit rouge à lèvres, maquillage, et là, sans rentrer dans les détails, est-ce que c'est permis, là, c'est un autre sujet. Lakin huna, tout ce qui est maquillage, et que d'ailleurs, al-kuhl, al-kuhl, c'est le noir que les femmes mettent sur leurs yeux, enfin, là, en temps de deuil, pendant ces quatre mois, elle ne peut pas. رابعا اجتناب الحلي بجميع انواعه سواء اكان اسوره في اليدين او خلاقل في الرجلين او حرصانا في الاذنين او قلاده في العنق لي بيجو على بالدو que ça soit un collier autour du cou, que ça soit un bracelet autour du poignet, que ça soit la cheville, que ça soit des boucles d'oreilles. المهم la femme elle porte pas de bijoux pendant cette période. خامسا ان لا تخرج من البيت الا عند الضروره. Le cinquième point, c'est qu'elle ne sorte pas de chez elle, sauf en cas de daroura. Imma pour sortir, comme d'habitude, imma pour acheter quelque chose de pas essentiel, imma pour mohim, visiter quelqu'un, et cette visite, elle peut être reportée, c'est pas quelque chose d'essentiel, de primordial, elle n'a pas le droit. Les membres de sa famille, c'est eux qui viennent la visiter. Lakin, en cas de daroura, elle doit aller voir le médecin, elle doit aller à l'hôpital, elle a un rendez-vous important, personne ne peut aller à sa place. Fahada la choc que c'est permis. Allez, Hada Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il a cité quelques exemples. Mathalan, qala laysa 'indaha man yashtari hajatiha min as-souq. Cette femme, elle a perdu son mari et elle n'a pas d'enfant. Peut-être que ses frères, ses oncles, ils ne vivent pas dans la même ville. Mouhim, elle se retrouve seule et elle a besoin d'acheter certaines choses. Au marché, au magasin, même si son mari est mort, même si elle est dans cette période de deuil, elle a le droit de faire l'aller-retour, acheter ce qu'elle a besoin et elle rentre. On ne doit pas exagérer et on ne doit pas se laisser aller et faire comme s'il n'y avait rien. Ils exagèrent. Cette femme, elle n'a pas le droit de parler, elle doit s'isoler, elle doit porter tel vêtement. Ça, c'est de l'exagération. Et certaines femmes, à cause de leur ignorance, leur mari, il meurt et elles ne respectent pas ces points importants. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sadat, walhamdulillahi rabbil alamin. La référence, on l'a citée, fatawa, ala tariq, de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah.